Name Sun Mobalia Noel Ona lelo na monia kokidie Lobina koya kokanga lopango Yebisa mama ezali seria die Poto meseni o ganyenga imobimba Elle est la plus mignonne parmi nous Sa bakota na motema Nanga Peleza lelia kitaka De marcher na ye ya botembere redie Asile kakate Elle est toujours très souriante Nzoto etikala yanga na pesa ye motema Asala nango nyo soye aligie Mama bokilo na sengi lobo kwa noela Asala na ye mama ya banana nga Aza Eva Picasso na kotika te die Bona lelo na monye kokibwe Gare du Nord, y a Paris. On a l'élo na monia kokiridie. Lobina koya, kokanga lorompango. Yebisa mama ezali seria die. Poto meseni, o ganyenga imobimba. Elle est la plus mignonne parmi nous, soba kotana motema. Nanga, peneza lelia kitaka. De marcher na ye ya botembere redie Asili kakate, elle est toujours très souriante Nzoto etikala yanga na pesa ye motema Asala nango, nyonso ya liye Mama bokilo na sengi lobo kwa manoe Asala na ye, mama na mesuna Aza Eva Picasso na kotika te die Pona lela, na monye koki Rocha, Afonso, de Paris, Doc Camara et la Kiri. Manola Ngaï, la mission est à poupée. Bako Kokate, Kofaza, Bolino, yo mama. Derki Kwanza. Yamana, yo, ya, vote, mette, liwa. Ata bome ya Hiroshima toki no kisero Ata minuki ya sadami sene sero Eko koka teko faza bolingo yo misunga Jean-Jacques est en fourie de Genève Manona ngayi na miso ya poupe Bako koka teko faza bolingo yo I anje Na kolanda na ngai kaka seyo Yo koti si kimia ngora se voya oniva Elo kote eko kabola boli nguanga na yo Adida kiese Maleo mayomo Maître oniva maison lo sonne Commandant Jean-Paul de Monekan Jean-Pi Mokuna na Suisse Mamboli Bako kokate kofaza bolingo yo papi mede Oh bafere na Holande Oh yanga na yo ya vote mete liwa Ata bome ya Hiroshima toki no kisero Ata mami la douce a po metre nga bonheur Na kolanda na nga ikaka se yo Toko koma mi bangese nga ina yo Lomano manti ale Maître on y va les lios Mais on le sonne à qui coco jamalé Mamboli pandolaï Ngili mangi tsuka gigi matuta de Paris Jacques de Gabonia Faustine Michel et Soki Marianne